aussi accepté de voir quelqu'un souffrir d'un mal causé par toi. Rubel Mondolé. Je t'ai mal carré. Arrêtez ma yoli soussou. Je tourne les désolés. Ma mari par la lombre. Toutou Roma. Soukou la gara qui au ma bé. La seigneur y'a bizarre. Pour mon tout cas. La mémi y'a mon akas. Na y'a bizarre. Etonele besole, ebongo yo bakena yo wapi, na ebi esikale. Docteur Justin Tukenda, bon veillé, Adolphe Montebatina Mouena, Kofiolo Miguel du Grand Mopao, Harmoni Novae, Yakabe Atembo. On a récupéré Motuka, Asengi Nga Mbongo Mama. Bongo pona zuwa yo petronele, nako futa boni. Kuzali kololo ya soka, mona banda kikoluka, petronele misole, mona sala, mike ya minanga. Kuzali lese pase na naye, mona mwe. Mongye misiki ya manena, Norris la Congolese, Yeru Yakana. Abraham Matingo, Fanny Smith Wanga, Yalo Mamoui, les bergers de la Sable. On employa le kouta, la kanaka yango de la lokouta. Kito kone le kouta et kosi yo, et benama. Misanga tete nakoka kali susu utala libanda te sourire na yo desole pesa kanga espoir ya kovine Alpha Bokole Icon Président Bopili Bokonza Bakache Eugène Makwa Confetolier zonga mama ebana nanga nakomata melodi likolo ya nzoto na yo ozali kofre for nanga. Adi Londole. Nakwe komi lokola, feti ezangi masanga. Nakwe komi lokola, motuka ezangi karbira. Una rekipere yoye, petronele besole. Nako futa boniye, sanda kazali. Maître Jordan, Labo Banana, Christian Lusakwenu. Ipasola ipasoli na motema, etonele besole. Na mama, yone motema na na. Eza yo besole, eza yo mama. Uruto langa nyoso na mokili, kasi botike lango bebiki na papie. Polo boko langa, ilu lango kuma. Oza mokuwa, yo mopanzi na na. Numéro ya chaussure na ngaya lokolo, désolé. Ma belle Sakamoto, nankoni ya maite. Aswa kate décision na nkanda te, détronele désolé. Zonga tobongisa, avenir ya banana bisoye. Pokala te, tokokoma bankoko. Pour la sala, ça valait un tana mobola pour accoupler pour les mamans simbati.